boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Ce soir, c'est clair, j'ai envie de me promener dans mon univers musical à moi avec donc à l'instant les 16 Horsepower que j'adore notamment grâce au chanteur, le multi-instrumentiste, l'homme hyperactif David Eugene Edwards qui nous a chanté Burning Bush à l'époque où il était avec les Français des 16 Horsepower. On va continuer avec maintenant Certain Ratio qui appartient à ces groupes dont on n'écoute pas souvent les morceaux. Moi, ce soir, je retiens Paul que j'ai adoré écouter et que je partage avec vous. Vous êtes bien sur RVR avec Pop & Rock et ce soir, après les 5 minutes de Us Attendration, on va continuer avec ces groupes qui, comment dire, je les qualifie souvent des cadavres exquis du rock. Voici qu'arrive Agora Fidelio avec Palatina, mais allez gratter Agora Fidelio, même s'il n'existe plus, vous trouverez dans vos plateformes musicales, voire sur YouTube, quelques traces de ce groupe français extraordinaire. Agora Fidelio chante Palatina. Hey. Agora Fidelio vient de nous proposer Palatina. J'espère que vous avez aimé, parce que dans Pop and Rock, régulièrement, dans les lundis, on les retrouvera, comme on retrouve régulièrement Alex Mas, qui ce soir va nous faire profiter de ses sessions de lévitation. On le retrouvera plus tard avec Unicrawl, qui est un morceau, du moins un groupe, peut-être même un super groupe. Mais pour l'instant, on retrouve Alex Mas avec Too Much Hate. There's too much hate and not enough loving, honey. There's too much dying, darling. We need a solution. Well, enough of feeling good. If I could, I would. Enough of feeling fine. I'm fine all time. L for all that love in your eyes. O for all those sighs in the night. It's very hard to deny. E for everything we left behind. There's too much hate and not enough loving, honey. There's too much dying, darling. We need a solution. Just sing to your children and empower women. Vous avez aimé ce magnifique Alex Mas, pas de souci, on le retrouve un petit peu plus tard dans notre soirée. Mais pour le moment, on va foncer vers un groupe que, comment dire, je les ai vus en concert deux fois et franchement, c'est du très grand art. Alt G, ça vous parle ? Alors en général, on connaît certains morceaux, Breeze Blocks notamment, mais moi j'aime bien gratter. Et ce soir, je vous envoie un morceau de Alt G que je n'ai jamais passé dans Pop and Rock. Ça s'appelle Bane. Alt G tout de suite dans Pop and Rock sur RVR. swimming and drinking. And when my parents tell me to come in, I'll just ignore them and keep on drinking. Ok, pop and rock est très marqué culture anglo-saxonne, faut pas nous en vouloir, on glisse quand même quelques français, mais si vous préférez vous la musique francophone, le rock francophone ou la nouvelle scène française, n'oubliez pas les jeudis sur RVR, entre 17 et 18h au 104.6, de retrouver nos potes de Radio Le Zinc. Mais pour le moment, on va retrouver des français, mais qui eux, chantent en anglais. Ça s'appelle Animal Triste, et le titre c'est Tell Me How Bad I Am. Such a crime. Il est des groupes que je passe de temps en temps dans Pop and Rock parce que j'aime quelques-uns de leurs morceaux, mais chaque fois je suis très frustré lorsque je gratte plus dans leur discographie. Yumi at Six appartient à cette catégorie-là, notamment grâce au morceau Nice to Me. Mais ce soir, ce n'est pas celui que je vous envoie. Celui que je vous envoie s'appelle Make Me Feel Alive. On écoute tout de suite Yumi at Six. Vous êtes bien dans Pop and Rock sur RVR comme tous les lundis entre 17 et 18h. Et maintenant, voilà qu'arrive Wolf Alice. Pourquoi je les aime, eux ? Eh bien, d'abord parce que c'est une voix féminine, ça fait pas de mal. Et aussi parce qu'ils sont capables d'alterner la puissance et la force des Yumi at Six qu'on vient d'écouter, mais également la douceur comme dans ce morceau qui arrive, Feeling Myself, par Wolf Alice. Breaking news. Il était des nuits où j'étais capable de passer la nuit seul devant mon ordi à aller gratter et chercher pour trouver la perle rare, le groupe que personne ne connaît, avec le titre, comment dire, anthologique. Eh bien un jour, j'ai trouvé ça, Widespread Panic, avec un morceau qui s'appelait Fishing. Si vous êtes des fidèles, vous l'avez déjà entendu dans Pop and Rock, mais ce soir, je ne peux m'empêcher de vous le reproposer. Inspiration. Oh, she barely waits a moment. Elevator doors open. Hear her footsteps touch the stairs. Words walk by, describing definition. Stop. Talk about it. My et avec le développement de la toile, des réseaux sociaux et de toutes ces plateformes musicales, aujourd'hui, gratter et chercher pour trouver des perles rares devient un vrai plaisir. Et là, on va en enchaîner deux. On va écouter Whiskey Myers qui chante John Wayne et ensuite l'étrange Westerman qui chante Colors. Whiskey. Whiskey Myers.

Vous êtes toujours bien calé au 104.6 à écouter comme tous les lundis entre 17 et 18h Pop and Rock. Et voilà qu'arrive maintenant Tinia, un de ces groupes que j'aime beaucoup mais qui malheureusement n'est pas assez prolifique dans ses bons côtés. Tinia chante I Feel Fine. J'avais prévu pour ce soir le fameux Thurston Moore, Matière grise de Sonic Youth. Mais nous n'aurons pas le temps, on n'écoutera pas non plus The Underground Years qu'on devra retrouver plus tard. Mais pour se quitter, quoi de mieux qu'un Smashing Pumpkins ? On écoute In Ashes. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et surtout, bis à tous.